de Sega. Je n'ai plus vos Sega, juste de grands Sega que la vie nous importe. Toujours la même volatile, afin que vous respirez. Sentez ce doux bonjour en vous qui sans cesse fleurit. Ne dérivez jamais plus sans mon délire de promesses. Couvrez-moi d'allégresse, ouvrez-moi à la satiété. Quelques kilomètres tout au plus, quelques jours tout au plus, puis se régaler l'un de l'autre dans une insolente éternité. Vous vous engrenez, vous vous troublez comme une glace embuée. Qu'on efface ce bout de toi comme le temps perdu. J'ouvre les paupières comme deux bouches affamées. Je m'emploie à extraire le nectar de votre beauté. Fermez les yeux, vous bavez. Je crois que je me suis lassée. Avalez vos boniments, vous pouvez être mon père. Je suis le cœur nu sous vos fenêtres, prêt à recevoir toute une vie sur la tête. Pour une goutte puisée du Saint Graal, la mort m'a invité à son carnaval. Quelques kilomètres tout au plus, quelques jours tout au plus, puis se régaler l'un de l'autre dans une insolente éternité. Je m'habitue à l'obscurité, prêt à avaler la terre. Éteignez votre sourire, dédaignez, dédaignez-moi, misère.